Merci de votre écoute, passez un très bel après-midi sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la Turquie. D'un maître à l'autre. Le père et le président. Le sultan veille à ce que tous les membres de sa famille mâle soient sous bonne garde. Pour arriver à constituer cette Turquie moderne, il a fallu nier le passé. The Turkish nation is democratic by nature. Nous allons turquifier, islamiser et moderniser les territoires qui nous restent. Les ombres des Arméniens, des Grecs sont emmurées dans l'oubli. Il y a deux modèles, et l'un d'eux est d'interdire, de faire taire ceux qui disent « je suis kurde ». La négation est la doctrine officielle, enseignée depuis l'école. Et la lutte acharnée pour l'indépendance commence. Elle durera 3 ans, de 1919 à 1922. Les Grecs s'enfuient devant les armées de celui qu'on appelle désormais le plus terrible des Turcs. Leur exode donne lieu à des scènes dramatiques. Regardez cette distribution de pain par les armées alliées, des populations entières affamées qui se battent. Le 9 septembre 1922, les Turcs entrent à Smyrne, dernier refuge des envahisseurs grecs. La ville est incendiée. Les fuyards cherchent à atteindre dans des embarcations de fortune les flottes alliées. Celles-ci lèvent l'ancre, abandonnant les Grecs à la vindicte des Turcs. Ainsi finit cette guerre qui reste un cauchemar pour les Turcs et pour les Grecs. Fabrice Monnier, avant que nous n'évoquions pour cette troisième émission la personnalité d'Atatürk, personnalité que vous évoquez dans ce hors-série que j'ai sous les yeux, Le Monde, Histoire et Civilisation, Atatürk de l'Empire Ottoman à la Turquie, on va venir à cet Atatürk au travers notamment de l'article que vous signez intitulé « Le mystère Atatürk ». Mais avant que nous n'attaquions ce mystère, je voudrais qu'on vienne à quelque chose que j'ai relevé dans votre dossier, sur lequel je pense qu'il faudrait faire une émission entière, mais malheureusement nous ne ferons là qu'un petit chapitre. Ce sont les événements tragiques qui se déroulent le 14 septembre 1922. Je pense à l'incendie de Smyrne qui, semble-t-il, à vous lire, est encore sujet à polémique entre les historiens. Quels sont les incendiaires Mais surtout, cet incendie est le symptôme encore aujourd'hui de quelque chose qui fait partie, sinon des faiblesses, en tout cas des caractéristiques de la Turquie contemporaine. Alors, est-ce qu'on peut déjà un petit peu indiquer les événements? Qu'est-ce qui se passe au cours de cet incendie? Quelles sont les victimes? Qu'est-ce que ça raconte? Là, vous bondissez d'année en année, puisque nous sommes, cet incendie, c'est en 1922, ouais. Vous le savez. Avant, il faut quand même que je vous brosse très rapide tableau de ce qui s'est passé, pourquoi on est arrivé là, cet incendie, et à la disparition de la présence chrétienne dans l'Empire ottoman, finissant, puisque c'est déjà presque la République turque. Je vous ai dit dans la dernière émission que Mustafa Kemal n'a pas joué un rôle important dans la révolution jeune turque. Il n'en joue pas un dans les événements qui suivent 1908. Il est un jeune turc assez mal vu des autres pour différentes raisons, notamment son caractère difficile, sa façon de mettre les pieds dans le plat, si j'ose dire. Et en 1913, il est envoyé comme attaché militaire à Sofia, en Bulgarie. Quand la Première Guerre mondiale éclate, la Turquie, après quelques mois d'hésitation, en novembre 1914, rejoint le camp des puissances centrales, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Pour différentes raisons, sur lesquelles je ne vais pas épiloguer, mais parce que il pense que c'est le moyen de récupérer un certain nombre de territoires dans les Balkans qu'il a perdus durant les guerres balkaniques que je n'ai pas évoquées, mais qui viennent d'avoir lieu, et qui font que toute la partie européenne de la Turquie est perdue, et qu'il ne reste que Constantinople en Europe et la Thrace, une partie de la Thrace qui est la région avoisinante. Dès que la guerre éclate, Mustafa Kemal, qui est un soldat de métier, hein, vous l'avez bien compris, il a fait toute sa carrière dans des écoles militaires, il brûle de prouver sa valeur, réclame et finit par obtenir un commandement, et il reçoit ce commandement juste au moment où où les Alliés débarquent un corps expéditionnaire aux Dardanelles. Il est colonel, commandant d'une division aux Dardanelles. Il va se faire remarquer très très vite aux Dardanelles, notamment des officiers allemands qui commandent sur place, en particulier Otto Liman von Sanders, qui commande toutes les forces qui affrontent ce corps expéditionnaire allié, franco-britannique. Mustafa Kemal, je vais vite là-dessus, se faire remarquer, monte en grade. Il n'est pas, contrairement à ce qu'on a rencontré par la suite, le sauveur des Dardanelles. S'il y a un sauveur, c'est cet Otto Liman von Sanders et d'autres officiers turcs qui étaient placés au-dessus de Mustafa Kemal. Mais certainement, il s'est fait remarquer, puisque ensuite on lui confie un certain nombre de commandements. Il accède au grade de général, il devient donc, il était Mustafa Kemal Bey, il devient Mustafa Kemal Pacha. Il est envoyé en Anatolie servir cette fois, donc les alliés sont repoussés aux Dardanelles. L'armée ottomane se redéploie autant que possible à l'est, très loin à l'est, face aux Russes, l'ennemi héréditaire, qui a franchi le Caucase et qui marche à travers l'Anatolie, notamment à travers une région ravagée de l'Anatolie de l'est, c'est-à-dire aussi l'Arménie, l'ancienne Arménie historique. Arménie où, en 1915, exactement concomitamment à ce débarquement des Dardanelles, a eu lieu ce que l'histoire tient aujourd'hui comme étant le premier génocide du XXe siècle. Mustafa Kemal était aux Dardanelles quand ce génocide a commencé. Il est en Anatolie au moment où il se déroule. Il n'y participe pas. Nous n'avons aucune information qui laisserait entendre qu'il ait approuvé ou participé à cela. Mais enfin, c'est l'armée ottomane qui, notamment, et les forces de l'ordre ottomane, qui se déploient pour jeter hors de leur village les populations arméniennes locales sur les routes où elles vont périr en masse. Puisque c'est un génocide qui est en fait par mort lente. Les gens marchent à travers les montagnes, à travers les plaines, à travers les déserts, vers de théoriques camps de prisonniers ou de rassemblements qui les attendent à l'orée de la Syrie. Mustafa Kemal, il l'a vu, il n'en a jamais beaucoup parlé, en tout cas, il n'était pas homme à avoir approuvé cela, ayant écrit sur lui, ayant travaillé, mais il n'est pas impossible que, comme beaucoup, il pensait que les Arméniens étaient des traîtres en puissance qui aideraient les Russes et qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, les écarter. Alors, entre les écarter et s'en débarrasser, la nuance est faible, vous en doutez bien. Enfin, il poursuit sa carrière pendant toute la Première Guerre mondiale, une carrière d'officier sur différents fronts. Il y a, contrairement à ce que tout le monde croit, une santé très fragile, il est plusieurs fois malade. En 1918, il est un des officiers qui compte dans l'armée ottomane. En 1918, le 30 octobre 1918, l'Empire ottoman demande la paix, sollicite un armistice. C'est la fin de la guerre, de l'engagement ottoman dans la Première Guerre mondiale. Les Britanniques ont conquis à peu près toute la péninsule arabique. Il y a eu la révolte arabe, tout le monde a entendu parler. L'Empire est réduit de facto à sa capitale, Constantinople. Il contrôle toujours les fameux détroits. Et à l'Anatolie, donc l'Asie mineure, l'Anatolie, grosso modo la Turquie actuelle. La démobilisation intervient. Très vite, il apparaît que les Alliés veulent bien que l'Empire ottoman subsiste, mais veulent s'emparer ou prendre le contrôle d'un certain nombre de territoires, le contrôle économique d'un certain nombre de territoires, les Français en Cilicie, c'est-à-dire au sud-est de la Turquie, les Britanniques également entendent imposer leur domination économique, il est question de créer un État arménien, il est question de créer, alors dont le découpage est imprécis, mais on parle même d'un Kurdistan. Donc, à ce moment-là, l'Empire ottoman est vacillant, donc les populations turques d'Anatolie, qui sont toujours des populations donc ottomanes, sont très inquiètes de l'avenir et intervient la goutte qui fait déborder le vase, un débarquement grec en Anatolie, à Smyrne, qui est aujourd'hui Izmir, censément pour établir l'ordre. En fait, le grand personnage de l'époque, qui est Eleftherios Venizelos, veut agrandir tout simplement la Grèce et étendre la souveraineté grecque sur des régions qui ont été dans l'Antiquité, qui ont été sous l'Empire romain d'Orient grec, qui sont donc toutes les régions, ce qu'ils appellent l'Ionie, c'est-à-dire l'ouest de l'Asie mineure. À ce moment-là, un mouvement de résistance se met en place. Celui qui prend la tête de ce mouvement de résistance, c'est Mustafa Kemal, et il va mener ce que les Turcs appellent aujourd'hui la guerre d'indépendance, dont on va bientôt fêter le centenaire. Cette guerre d'indépendance, en fait, c'est une guerre gréco-turque qui va se poursuivre en Anatolie pendant 2 ans, à l'issue de laquelle les Grecs vaincus vont devoir réembarquer, donc abandonner Smyrne. L'armée nationaliste ottomane, qui est une armée turque, entre dans Smyrne. Et 2 jours après son entrée, un incendie gigantesque ravage cette ville, qui était à l'époque une ville au moins à moitié chrétienne, donc grecque essentiellement, mais avec une minorité arménienne, et beaucoup de ce qu'on appelle les Levantins, c'est-à-dire des commerçants européens installés depuis plusieurs générations dans l'Empire ottoman. C'est un épouvantable incendie. Des milliers de morts. Des milliers de morts, des gens qui se jettent à la mer, et c'est la fin de cette présence chrétienne importante en Anatolie. Aujourd'hui, l'Anatolie, Izmir, est une grande ville turque à 90% musulmane. Les réfugiés, les populations chrétiennes, vont partir en Grèce, enfin ceux qui les rescapés. D'autres les rejoindront, enfin ceux qui étaient à l'intérieur des terres, les rejoindront ensuite dans le cadre de l'échange de population qui a lieu consécutivement au traité de Lausanne qui rétablit la paix dans cette région du monde. Cette conférence de Lausanne, au terme de laquelle les puissances européennes signèrent un traité le 24 juillet 1923, un dramatique événement est à retenir. Les Anglais invitent à Lausanne les délégués du Gazi et ceux du Sultan pour discuter du futur statut de la Turquie. Cette bévue permettra à Mustafa Kemal de convoquer d'urgence les députés. La nation turque ne saurait désormais être représentée que par la Grande Assemblée nationale qui a conduit le pays à son indépendance. Le sultanat a fait son temps. Il faut l'abolir. Atatürk, qui était encore seulement Mustafa Kemal Pacha, a sauvé certainement l'Anatolie de la partition. Et en cela, il est révéré par tous ses compatriotes qu'il appelle le Gazi, G-A-Z-I, c'est-à-dire le paladin de l'Empire ottoman, le sauveur de l'islam. Pour les petites gens, pendant toute sa vie, jusqu'en 1938, on appellera le Gazi. Pour rester encore d'un tout petit mot sur, et si toutefois vous en connaissez la teneur, qu'est-ce qui fait qu'autour de cet incendie de Smyrne, il reste encore objet de polémique? Est-ce parce qu'on n'a pas caractérisé les incendiaires ou en tout cas la raison de ces incendies? Qu'est-ce que c'est que ça? La polémique, c'est que l'incendie a éclaté après, 2 ou 3 jours après l'entrée de l'armée nationaliste turque dans Smyrne. Et qu'elle n'avait pas rencontré, c'était une ville ouverte, elle n'a pas rencontré de résistance. Et que donc, nous sommes en septembre 1922, il eût été aisé pour l'armée turque d'y rétablir l'ordre et d'y maintenir l'ordre. Et il y a tout lieu de croire que Mustafa Kemal l'a implicitement admis. On a voulu se débarrasser de gens encombrants. Nous sommes encore, je reviens encore sur cette idée de naissance des nationalismes, d'exacerbation des nationalismes. On veut un État-nation à la française, avec un peuple turc, maître chez lui. Donc autrement dit, c'est trouver les lances à incendie peut-être, mais le plus tard possible. Voilà, on a trouvé les lances à incendie, on les a trouées pour qu'elles ne soient pas utilisées. On a voulu se débarrasser de la population chrétienne locale, comme d'ailleurs de toute la population chrétienne d'Anatolie, puisque au traité de Lausanne, ce qui reste de chrétiens partira pour la Grèce ou d'autres destinations. En échange de quoi, ce qui restait des populations musulmanes en Grèce et dans une partie des Balkans rejoindra l'Anatolie, qui va devenir le creuset d'une nation turque, voulue par Mustafa Kemal. Gün gelir Veysel hey dost bağırır. Fabrice Meunier, comment considérer autour de la personnalité d'Atatürk ce qui peut sembler un paradoxe, le fait que vous indiquiez à la fois la dimension de mystère autour du bonhomme et en même temps le fait, ça c'est votre expression, je ne crois pas que ce soit moi qui l'ai indiqué, vous me préciserez, Mustafa Kemal ou le timing politique. C'est quelqu'un qui a le sens du timing. Certainement, c'est même indépendamment de toutes les autres qualités qu'il avait, mais il avait aussi quelques défauts, comme tout le monde, c'est un homme qui a le sens du possible, qui est extrêmement réaliste. Durant toute cette guerre d'indépendance que je viens d'évoquer, il ne procède que par étapes, après s'être assuré qu'il sera suivi, que les moyens ont été réunis pour obtenir ce qu'il veut. Il joue, et en cela, il a un peu du talent d'Abdulhamid II que j'évoquais dans une émission précédente. Il sait utiliser les puissances les unes contre les autres. Par exemple, durant cette guerre d'indépendance, il s'appuie sur la Russie, pourtant ennemie, la Russie bolchevique. Nous sommes entre 1920 et 1922, la Russie est devenue bolchevique. Elle envoie des armes, elle l'aide. Il s'appuie aussi sur la France. La France aide considérablement sa révolution, le camp nationaliste. Pourquoi ? Parce que les Anglais soutiennent les Grecs. L'Angleterre, pour différentes raisons, l'Angleterre à l'époque dirigée par David Lloyd George, soutient l'entreprise grecque de partition de l'Anatolie. Donc les événements tragiques qui ont pu toucher le peuple arménien, la France les enjambe ? Et la France a abandonné la cause arménienne très vite. D'abord parce qu'il n'y a plus d'Arméniens et que, par réalisme, elle entend maintenir ses positions au Moyen-Orient. Parce que elle a des intérêts économiques considérables dans ce qui reste de l'Empire ottoman, en particulier à Constantinople, qui va bientôt devenir Istanbul, mais aussi en Anatolie. La France a investi beaucoup d'argent. La dette ottomane est considérable. Vous savez, c'est l'époque où la France s'aperçoit qu'elle ne va pas être remboursée des emprunts russes. Donc elle souhaite être au moins remboursée des emprunts. Déjà des petits problèmes de budget, donc. Oui. Donc il y a des raisons purement matérielles qui conduisent au soutien. Et puis aussi, parce que pour la France, la Troisième République, le personnage est séduisant. Il s'inspire des principes français. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeune Turc, comme les autres, qui est un admirateur de la Révolution française. Il parle un peu le français. Ça ne veut pas du tout dire qu'il est francophile, mais il n'est pas hostile à la France. En tout cas, il n'est pas germanophile, bien qu'il ait, pendant toute la guerre, combattu sous les ordres ou avec des généraux allemands. Simplement, il a été formé à la française. Il lit en français, il n'a jamais vraiment bien parlé le français, mais il le comprend un peu. Et comme tous les autres officiers jeunes turcs, la France est un pays séduisant à ses yeux. Et pendant la Première Guerre mondiale, souvent, pour se comprendre, officiers turcs, donc ottomans et officiers allemands, se parlaient en français. C'était la langue internationale, la langue qu'ils avaient en commun. Donc, Mustafa Kemal est très certainement influencé intellectuellement par la France. La France de l'époque, c'est des radicaux socialistes, ils sont très proches de lui. La franc-maçonnerie voit en Mustafa Kemal quelqu'un de... On a d'ailleurs dit, ça n'a jamais été prouvé, qu'il était franc-maçon. Mais en tout cas, il est proche de certaines thématiques. La Turquie libérée, Mustafa Kemal va se consacrer à l'édification d'un État nouveau. D'abord, c'est l'abdication forcée du sultan. Celui-ci se démet en même temps de son titre de calife, c'est-à-dire de commandeur des croyants, et part pour l'exil. L'accueil de Constantinople, devenu Istanbul, aux troupes du libérateur est un véritable délire. Les Turcs de tout âge, de toutes conditions, se rangent derrière Mustafa Kemal, dont le premier soin est de rompre avec les traditions paralysantes de l'Orient. Lui-même prend le nom symbolique d'Atatürk, le père des Turcs. Mais ses compatriotes le surnommeront le Gazi, le victorieux. Sa première cible, c'est l'islam. Imposé par les conquérants arabes, la religion musulmane a fini par devenir pour les Turcs un carcan et un poids mort. Autre réforme, le costume. Aux robes et aux turbans du passé se substituent des tenues occidentales. Le voile qui cache le visage des femmes est interdit. Les Turcs deviennent semblables à leurs sœurs d'Europe. Et leurs couturières s'adaptent à la mode de Paris. Atatürk déclenche une véritable révolution. L'écriture arabe est supprimée, remplacée par les caractères latins. Le Gazi prend lui-même en main la réforme. C'est le Conseil des ministres qui élabore sous sa direction la langue nouvelle. Fabrice Meunier, il y a néanmoins des choses sur lesquelles il faut revenir, et je pense notamment au terme de laïcité. Si l'on veut évoquer la précision des mots et la précision des données, la laïcité, selon le modèle français, n'est pas tout à fait celle qu'envisage Mustafa Kemal. Est-ce que l'on peut à la fois brosser ce que Atatürk entend derrière le terme de laïcité, et puisqu'il fait partie de cette élite progressiste musulmane, est-ce qu'on peut dire de lui que le modèle qu'il a l'intention de façonner, de sculpter à l'intérieur du pays, est un modèle adapté au pays, ou fait-il partie d'un ensemble qui existe dans le monde musulman et qui, ensemble, qui peut être baptisé d'élite progressiste? Est-ce que Atatürk, dans ce modèle-là, d'élite progressiste, fait figure à part? Alors, dans la question précédente, vous aviez indiqué qu'il avait le sens du timing. Immédiatement après s'être débarrassé des Grecs, puis s'être débarrassé du sultan, qui l'exile, puis s'être débarrassé, encore plus grave encore aux yeux des musulmans d'aujourd'hui, du califat, il va mettre en place une république turque. Une nouveauté, une première dans le monde musulman. Une république, encore une fois, certainement inspirée, je l'ai dit, du modèle jacobin français, qui est le modèle que les jeunes turcs ont en tête depuis avant même le début de la Première Guerre mondiale. Lui, il le met en place. Et avec un grand sens du timing, puisque, alors que durant toute la guerre d'indépendance contre les Grecs en Anatolie, il a combattu au nom de l'islam l'envahisseur chrétien, et que j'ai indiqué le titre qu'on lui avait donné, que la paysannerie lui avait donné, titre très symbolique de Gazi, très important, qu'il est le seul musulman turc à porter à cette époque-là. Le Gazi, c'est un paysan turc, tu diras pas le président de la République, il dira le Gazi pour parler de lui. Alors qu'il est censé être donc le champion de l'islam dès 1922-23, eh bien il prouve que, et effectivement, il a quelque chose d'autre en tête. De seulement établir une république, il veut aussi une république laïque. Pourquoi? Parce que il pense que l'islam est un frein au progrès, et que ce frein, il faut, sinon s'en débarrasser, du moins en prendre le contrôle complet, atténuer sa puissance en le domestiquant. Et le laïcisme à la turque, en un mot, c'est l'État contrôle l'islam. Le pouvoir républicain contrôle l'islam. L'imam, dans son sermon à la mosquée le vendredi, doit utiliser des thématiques qui sont dictées par l'État. Autant que possible, l'islam doit entrer dans la sphère privée. L'État ne doit pas, ou le moins possible, laisser apparaître une symbolique musulmane. Et dans une certaine manière, il y parvient. Il y parvient de plusieurs manières. La plus grande réforme qu'il fait est certainement celle de la langue, de l'alphabet. Il coupe avec l'alphabet arabe. L'arabe, c'est la langue du prophète qu'a employé le prophète pour délivrer son message. C'est une rupture. Il entend débarrasser aussi la société d'un certain nombre de symboliques musulmanes ou orientales. Les deux étant un peu liés à ses yeux. Par exemple, le fez. Interdiction de porter le fez. Du jour au lendemain, tout le monde devra porter un chapeau. Un chapeau à l'occidental. Ce qui est contraire à l'islam. L'islam, le fez avait cet avantage de deux choses. C'est que vous portiez un chapeau, mais il n'avait pas de visière. Hein. Dieu peut vous regarder directement dans les yeux. Et seconde chose, vous pouvez prier tout en le gardant sur la tête. Il y aura mort d'homme. Sur le port du Fès. Le port du Fès, il y aura des exécutions publiques de gens récalcitrants. Ça a l'air un peu anecdotique aujourd'hui, le Fès, mais à l'époque, ça avait été grave. Sa réforme de la langue, elle, par contre, passait beaucoup plus facilement. Pour la bonne raison, bonne et simple raison d'ailleurs, que la plus grande partie de la population turque, donc nous sommes maintenant sur la République turque, était analphabète. Au fond, ça ne changeait pas grand-chose pour la grande majorité de la population. Dans les milieux intellectuels, évidemment, ça, c'est une autre affaire, mais, comme je vous l'ai dit, sans avoir instauré un régime politique, policier et dictatorial au sens de l'Union soviétique de l'époque, par exemple, pouvait y avoir des pendaisons publiques de récalcitrants. Donc, on ne provoquait pas des intellectuels. Ceux qui étaient hostiles à cette occidentalisation de la société ont été obligés de se taire. Et ils se sont tus, d'ailleurs, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, les opposants à cette centralisation du pouvoir, on les trouve plutôt du côté des intellectuels. Et à ce qu'on vous entend dire, Fabrice Monnier, la population est embarquée dans cette histoire-là, notamment, je l'imagine, par de grandes campagnes de scolarisation. Oui, alors les intellectuels, évidemment des milieux traditionnels, hein, je pense les lettrés ne l'ont pas suivi. Les intellectuels occidentalisés approuvent. La population suit. D'abord parce que il faut pas oublier que la Turquie sort de guerre ininterrompue depuis les guerres balkaniques jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance. Autrement dit, grosso modo, on peut dire que depuis 1912 jusqu'à 1922, la Turquie n'a connu que la guerre. Les populations d'Anatolie ont payé. Elles sont dans une situation économique dramatique. Il n'y a pas de soins, il n'y a pas de système de soins, il n'y a pas d'école. Donc il va effectivement, et encore une fois, toujours avec cette problématique des moyens financiers nécessaires, il va organiser, première fois dans l'histoire de cette région, l'école publique. Alors, c'est une école publique très fruste, mais c'est un premier pas. Il va consulter internationalement des spécialistes, il va recevoir, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui lit. C'est un intellectuel, Mustafa Kemal, un intellectuel qui s'est formé lui-même, en dépit du fait que dans les écoles militaires, on lui apprenait des choses, mais c'est un intellectuel doué qui apprend et qui écoute. Alors, vous avez 30 secondes pour répondre à la question du départ. Oui. Pourquoi le mystère? Pourquoi le mystère Atatürk? Oui, le mystère, c'est le personnage. Il était le seul à vouloir aller aussi loin. Cela, moi-même, je ne peux pas l'expliquer. C'est pourquoi, dans cet empire ottoman qui était loyaliste, a-t-il, lui, voulu détruire le sultanat et le califat, alors que toute la population, et même une grande partie de son entourage, voulait le conserver, que s'il les avait conservés, il aurait eu l'approbation pleine et entière des autres. Qu'est-ce qui l'a conduit à quand même vouloir en finir avec ces deux institutions qui étaient quand même des institutions qui participaient de l'équilibre de la Turquie et aussi internationale? Eh bien, peut-être que le désir de pouvoir absolu qui sommeille parfois chez certains chefs dans la Turquie moderne n'est pas étrangère à ce phénomène. Fabrice Magnon, vous remercie infiniment d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Si vous voulez orienter nos auditeurs et qu'ils deviennent vos fidèles lecteurs, vers quel ouvrage pourriez-vous peut-être les faire se tourner? Écoutez, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. J'ai commis un petit livre qui une synthèse de sa vie, n'est-ce pas, qui est paru aux éditions du CNRS et qui a été réédité en poche. Et qui s'intitule Atatürk. Merci. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Tsalen, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker.